suis français, une mère normande, un père brisé. Blanc aux cheveux blonds, à faire pâlir un noir frisé. Occidental dans les détails jusqu'aux yeux verts grisés. Un cliché à rien qui crache sur les extrêmes, je visais une intérieure paix dans cette jeunesse tourmentée. Forcé de constater que dans leurs promesses c'est sourmenté. Assermenté par ces gens qui subissent sans commenter vos commentaires haineux. Je les saigne quand j'en ai tourmenté. Je ne sais pas quel est mon rôle dans ce monde-là. Ni religion, ni doctrine de leur combat, je me lasse. Je ne comprends pas pourquoi la thé subit vos lois. En tout cas, je prends le droit d'ouvrir ma gueule une fois. J'emmerde vos guerres religieuses contemporaines. Si la paix revenait d'elle-même, je serais content pour elle. Plus qu'intemporelle, elle se débat contre vos dogmes depuis des siècles. Depuis que les hommes épuisent ses nerfs, grand temps pour elle de se barrer d'ici. Car les juifs, les catholiques, les musulmans font plus de morts qu'une bombe monothéiste. Croyances capitalistes ou politiques, ecclésiastiques, un gros bordel duquel émergent tous ces détraques et d'extrémistes. On me dira, tout est question de modération, que la plupart des gens prient leur Dieu en toute discrétion. Je n'accuse pas tous ces innocents, leur réflexion, mais ceux qui versent le sang au nom d'une sincère affection. Des croisades, ces milliers de morts jugés par le fer. Des colons qui convainquaient en promettant l'enfer. Une guerre sainte millénaire pour cette terre aride. Et récemment, au nom de Dieu, des attentats suicides. Je résume, c'est vrai, mais la raison s'impatiente. Car le recul est menacé par le cran d'arrêt d'un inconscient. Et si je consens à me taire, le reste du temps, c'est par respect. Le respect de la science qui nous apprend que l'humain espère. Français, une mère normande, un père brisé. Blanc aux cheveux blonds, à faire pâlir un noir frisé. Occidental dans les détails jusqu'aux yeux verts grisés. Un cliché à rien qui crache sur les extrêmes, je visais une intérieure paix dans cette jeunesse tourmentée. Forcé de constater que dans leurs promesses c'est sourmenté. Assermenté par ces gens qui subissent sans commenter vos commentaires haineux. Je les saigne quand j'en ai tourmenté. Je ne sais pas quel est mon rôle dans ce monde-là. Ni origine, ni doctrine de leurs débats, je me lasse. Je ne comprends pas pourquoi le neutre subit vos choix. En tout cas, je prends le droit d'ouvrir ma gueule de foi. J'emmerde vos rêves patriotiques, nationalistes. Cette France-là me fait vomir, alors je rationne mes rimes. Rationaliste, ivre de vos plaintes. Moi, je conteste vos tirs comme on atteste vos livres d'histoire qui ne montrent qu'on peut pas vivre avec la peur de l'autre. Sortirez-vous de vos grottes pour ressentir l'amour qui fait l'aumône dans le regard des autres. Black, blanc, beurre en force, combattant d'un melting pot. Des mecs qui portent en eux la volonté sans faille d'un père qui bosse. Je ne pense pas qu'une couleur, une ascendance soit la cause de la violence qui gangrène le sens lui-même. Je n'admets pas ces pitres et leur conscience qui, quand ils parlent, commencent leur phrase en disant « Je suis pas raciste, mais ségrégation métropolitaine, jugeant aux faciès, rage noire, insulaire ou mélanine et reine. Les Tibétains s'embrassent pendant que la Palestine encaisse antisémite et xénophobe, surfe sur une vague de peine. À chaque époque, sa merde, l'immigration fait débat après qu'elle lui servi les intérêts d'un riche état. Et si je m'arrache la voix, c'est pour lutter, pas pour convaincre. Car certains patriotes ont mal une fureur de vaincre. En fait, je m'en bats les couilles de vous. Pour les imbaptous et pour les autres, un simple fou. Au royaume des aveugles, mon texte drapé d'un simple flou. Séduit les bornes, les jeunes loups armés d'un simple sou. Avec lequel ils jouent à pile ou face. Une vie de grâce contre un peu de maille, pas des paillettes et encore moins de strass. Je représente les braves qui chaque jour luttent avec une rage qui n'a d'égal que le mal-être et l'impuissance qui s'en dégage. De toute façon, je me barre. Plus de force pour ces conneries, vous vous trompez de combat depuis que l'atroce féconde le rire. Plus grand chose à dire, je provoque une panne dans mes écrits comme Maître Gim. Je prends le large pour que ne fane pas l'espoir de vivre une existence libre, loin des fachos, de vos problèmes de riz. Je crains vraiment qu'un soir de mai sa gueule s'affiche. Un cerveau en friche, car une âme non cultivable. Je fais pas de l'écolo frime, mais j'écoute ce que la terre clame. Un besoin de calme pour succéder à cette tempête. Je tempérerai les mots lorsque l'orage quittera ma tête. Des phrases vagues résultant d'une rencontre mère-terre. Je pose le mic, il est temps que je rejoigne terre-mère.